L'amour parfois s'en va à la dérive. On sent le cœur brisé. On pousse des cris de détresse pour la reconquérir. Et ses plaintes se transforment en supplications. Oh Dieu, aie pitié de toutes mes souffrances. En toi seul, j'ai placé toute ma confiance. Tu l'as mise sur mon chemin pour briser mon cœur. Je n'en ai pas peur. Ce sont des pièges que tu nous as tendus pour nous tester. Mais notre grand amour finira par les écarter. Nous en avons fait la preuve déjà. Et cela a recommencé comme ça. Nous avons goûté ensemble ce miel d'amour. Ta douceur, ta saveur resteront pour toujours. Tu es devenu une partie de moi. Mon cœur ne peut pas se séparer de toi. En dépit de tout, tu es l'objectif de ma vie. Et c'est pour toi que je vis.